Thank you. Thank you. The sun

Par les coups vagues de l'océan, Pacifique, Atlantique, Indien, Antarctique, mon océan. Ton océan. Me and you in paradise. Oh, you and me, you and me, you and my, yo. In paradise. Again, feel better. Try again, feel better. liberté, égalité, fraternité, je confirme. Je confirme liberté, égalité, fraternité. Make your talk, I confirm. Do you hear me? Do you hear me? Liberté, égalité, fraternité. Yeah, we know we need to restore a rhythm attack system. Yes, I think we need to restore a rhythm attack system. System. No way, no hope, no fear. Push your force. Push your force. Prison's door. Ever. to the world. Now hold my someone gets me. Now hold my someone gets me. Now hold my someone gets me. Message. Possible. Un ami, un frère, de psychopathe. Les octaves, les symphonies, les créations, le gouvernement, les mafias, poussés dans l'impasse. Je me réveille, poussé, poussé dans l'impasse par le gouvernement, la mafia. À l'extérieur, le problème de la sécurité. Sécurité. Avant. You do something to me. dans les câlins. Security before can't act. Sécurité sans liberté. Sécurité without liberty. Security without. Get mummy, there's no drones up in the sky. I repeat. Get mummy, there's no drones up in the sky. History is not repeating. No, no, no, nah, nah. Raina, hello, hello, hello, Raina, hello, hello. Point Nirvana. Dot Nirvana. Dot Goodwin. Dot. Dot. Dot. Dot. Dot. Malova. Malova. my lover, my lover. Chantons le partage.